BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. 17 décembre, Danny Veilleux et le bulletin de sport local et régional. Ben, les Saguenay de Chicoutimi ont joué en fin de semaine contre les Remparts de Québec. Et samedi, les Sags ont emporté 2-1 contre les Remparts. Ça se déroulait au centre à Québec. Théo Rochette et Justin Duchamp ont marqué les buts pour les Sags et deux passes pour Hendrix Lapierre. Et vendredi soir, les Sags sont inclinés par le compte de 3-2 contre les Tigres de Victoriaville. Un doublé pour Vladislav Kotkov. Et ça s'est déroulé vendredi soir à Chicoutimi. La date limite des échanges est débutée et les Saguenay de Chicoutimi ont effectué leur première transaction. Ils ont cédé Mathieu Desgagneaux, titan d'Acadie Batters, obtenant en retour un choix de troisième ronde au prochain repêchage. Vendredi, les Marquis de Jonquière ont perdu 6-4 contre Rivière-du-Loup. Ça s'est déroulé à Rivière-du-Loup. Yannick Riendeau et Mathieu Brisebois ont marqué chacun un but, une passe. Et samedi, au Palais des Sports, Triomphe des Marquis 6-4 contre toujours ces mêmes Rivière-du-Loup. C'est Alexandre Canel qui a été le meilleur pour les Marquis. Il a marqué un but et a amassé une passe. Notons également que du côté de la Ligue senior du Lac au Fleuve, triomphe du multiconcessionnaire devant 900 personnes. Ça s'est déroulé samedi soir, victoire de 7-4 contre le MJR Express de Jonquière. Marc Simard, qui a effectué un retour au jeu à Dolbeau-Missassigny depuis les années 80, a amassé une passe dans la partie. Et ça promettait la plus grande assistance de l'histoire du multiconcessionnaire. 900 personnes ont franchi les tourniquets. Dans le junior régional maintenant, fiche de 500 pour les Sabres de Roberval. D'abord samedi soir, gain de 3-1 contre les Saguenay de Chicoutimi. Deux passes pour Jesse Saint-Pierre. Et vendredi, défaite des Cinq-Landes des Sabres, 11-2 contre les Sabres. Deux buts et une passe pour Charles Tremblay et deux buts pour Samuel Larouche. Et pour les Sabres, notons que Pierre-Alexandre Da Silva a été le meilleur joueur avec un but et une passe. Du côté midget, maintenant, deux gains pour les Castors de Dolbeau en fin de semaine. D'abord, hier, en Normandie, les Castors ont gagné 3-2 sur le Marcos Pub. Donovan Dion a été le meilleur des Castors avec deux buts. Et samedi, gain des Castors, cette fois 6-5 contre les Vikings de Bécomo. Un but, une passe chacun pour Lance Ouellet, Donovan Dion et Vincent Lavoie. Et dans le deuxième match du programme double, les Castors ont gagné 5-1 sur les Vikings de Bécomo. Donovan Dion, un but et deux passes, a été le meilleur joueur des Castors. Le Marcos Pub de Saint-Félicien a gagné 5-2 sur les Saguenay de Chicoutimi. Vincent Gagnon, un but, deux passes. Et du côté des ambassadeurs de Chicoutimi, ils ont perdu 5-2 et 3-0 contre les Aiglons d'Alma. Maintenant, on va y aller du côté des équipes de Roberval, les Aigles, en fait. On va y aller avec du côté du Juvénile Division, plutôt du Benjamin Division 1. Il y avait un match pour les Aigles de Roberval. Et la formation des Aigles a livré un verdict nul de 1-1 contre le pavillon Wilbrod de Dufour. Du côté du Cadet Division 2 maintenant, à noter que du côté du Cadet, c'est une victoire par Blanchard de 4-0 contre le Séminaire Saint-François pour la cité étudiante de Roberval. Et du côté maintenant, du côté de la dernière équipe, on parle évidemment du Juvénile Division 2. C'était cette fois une défaite des Aigles de Roberval 3-0 sur le séminaire Saint-François. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.